J'suis venu marquer mon temps, tu te rappelles de moi comme étant un mec qui se démarque, toujours compétent. Ça va être normal, tonton, garde la provenance. 9-4, c'est le Far West, c'est pas la province. Dans le secteur, trop de thunes, trop de pinces. Et n'oublie la primaire, ça se tapait pour un prince de lutte. Le rap, c'est la Matrix, appelle-moi Néo. De Smooth, tu l'élu. De mon groupe, t'es déjà accro. Doucement, je viens juste de check le micro. C'est pour mes lascars, les presses qu'on les crocs. Vois-moi dans la rue, en go, vois métro. Pas le temps pour la prime, ni pour le crime. Mais je consacre comme un salarime. Faire des feats avec fumeur de rime. Paraît que ça sera ma dream team. Je suis en tête par les chasseurs de prime. Mon MC en voie de disparition. Et si y a contradiction, c'est la guerre, préparez les parpaings. Allez les munitions, ma nation, c'est 9-4 en action. Sacha Père à Spal connexion. Subino sur la sélection. Tu voulais une fellation, c'est pas ici mais un nation. Ici je vais te faire péter le fion. On est tous comme des lions, rêvant d'un petit lagon. Au lieu de squatter toujours ce même wagon. Avoir ses condés, venir nous contrôler avec leurs plaques et leurs pistolets. Mégo trip, c'est le bon trip. OMIC façon ego trip. Je viens grimper, quitte à m'agripper en chez toi. Tu vas finir grippé. Mec d'en bas, on s'en bat. Si ça se bat, ça coupe pas. Mégo trip, c'est le bon trip. OMIC façon ego trip. Je viens grimper, quitte à m'agripper en chez toi. Tu vas finir grippé. Mec d'en bas, on s'en bat. Si ça se bat, ça coupe pas. C'est la relève du RAP. Les anciens peuvent partir, l'esprit tranquille. Quand ma voix s'élève, l'un d'un sous gentil. On est la nouvelle génération du hip hop français. Je viens faire bouger les teutèpes à danser. Et peut-être que je vais percer, qui sait. C'est l'MC 2005, c'est moi. Je te le dis donc maintenant, va te voir. Si j'ai que de la gueule, va falloir que j'arrête le MIC, m'en vouloir. Ça jamais. C'est pour ça que je dois déchirer, faire vibrer tes tympans. Et au sommet j'irai. Un bonhomme, rappeur Mac 3 et même si t'en passes. Putain, c'est chaud, c'est le temps passe. Tout ce qu'on a fait, encore j'en passe. En effet, la vie est trop courte. J'en profite avant qu'elle m'écarte d'ici. Je fais mes affaires avant qu'on m'enterre. Je compte pas finir à Nanterre, ni être à la une des faits divers. Plutôt manger grâce à mes verres. Dédicace à F2R. J'ai représenté mon chapeau vert. Posé sur les rigs sur pain, pour te mettre dans le bain. Vas-y, kiffe ça bien, je cherche pas d'où ça vient. 9410 P-I-N-O-O-M-I-C-R-O. Dédicace à mes G-R-O-S avec qui je progresse. Le son, je redresse. C'est ma voix qui t'agresse. Et les meubles bougent leurs fesses. Les Rasta dressent leurs tresses. T'es en stress. Mégo trip, c'est le bon trip. OMIC, façon ego trip. Je viens grimper, quitte à m'agripper en chez toi. Tu vas finir grippé. Mec d'en bas, on s'en bat. Si ça se bat, ça coûte bas. Mégo trip, c'est le bon trip. OMIC, façon ego trip. Je viens grimper, quitte à m'agripper en chez toi. Tu vas finir grippé. Mec d'en bas, on s'en bat. Si ça se bat, ça coûte bas. Fin que le rap a fait un arrêt cardiaque. Avec ma rime de choc, je vais le ressusciter. Et les bons textes que j'ai toujours suscité. À coup de pelle, je déterre. Elle remet sur pied. Trop d'MC l'ont ridiculisé. À faire du commercial. Pour se faire écouter par des bolos, ça qui n'est pas destiné. RAP, t'inquiète, je suis revenu t'honorer. Te rends la place que tu mérites comme ça. Ainsi ma plaie sera guérite. Le flow, l'inspiration n'est pas une chose que l'on hérite. Je te respecte pas là pour prostituer. Comme la plupart de ces rappeurs qui t'auraient tué. Des styles musicaux en bas de l'échelle tuée. C'est Tupac, version FR, aka PNO. Pour faire revivre l'art de la street. La thérapie des lascars, façon écrite. C'est pour ça que mes vers en micro, je l'écris. Le bon peur à ça sentira. Je pense que s'en sortira. Et que par conséquent ça tira ou sinon ça tira. Bouge toi tu craques. Ici les jeunes à 7 puis je braque. Tu bats le train que t'as le track. T'as fondé notre équipe de Mac. C'est mon rap qui te matraque. Ah ouais, ça vient du 9-4. On enterre 2004 sous une frappe lyrique. En compète c'est pas un match amical mais une cour de chacal. Mégo trip, c'est le bon trip. OMIC façon ego trip. Je viens grimper, quitte à m'agripper en chez toi. Tu vas finir grippé. Mec d'en bas, on s'en bat. Si ça se bat, ça coûte bas. Mégo trip, c'est le bon trip. OMIC façon ego trip. Je viens grimper, quitte à m'agripper en chez toi. Tu vas finir grippé. Mec d'en bas, on s'en bat. Si ça se bat, ça coûte bas. Mégo trip, c'est le bon trip. OMIC façon ego trip. Je viens grimper, quitte à m'agripper en chez toi. Tu vas finir grippé. Mec d'en bas, on s'en bat. Si ça se bat, ça coûte bas. Mégo trip, c'est le bon trip. OMIC façon ego trip. Je viens grimper, quitte à m'agripper en chez toi. Tu vas finir grippé. Mec d'en bas, on s'en bat. Si ça se bat, ça coupe pas. Ouais, ouais. Dédicace à Chappé, gros. Ouais, à tous mes potos. On est là, les gars. Ouais, Chral, t'inquiète, on pense à toi, mon frère. Craque pas. Hein, Urban Lyrics 2005. Ah, Pix sous tête, gros. T'inquiète.